Chapitre 13. Robert, né dans la maison du duc, nourri dans l'admiration et le culte de sa famille, était un spécimen accompli du serviteur modèle. On s'est beaucoup servi, au théâtre et au roman, de ce type du vieux domestique, mais on l'a presque toujours représenté sous sa forme humble et dévouée. Dans plus d'un cas, cependant, ce dévouement exagéré est allé jusqu'à la férocité. Robert était de ceux qui ne reculent devant rien pour assurer le bonheur de ceux qu'ils aiment. Or, il n'aimait et ne vénérait au monde qu'une chose, la maison de Morez. Il pardonnait à peine au noble sang de se mésallier en introduisant des femmes étrangères dans la famille. La nécessité de perpétuer la race était le seul argument qu'il le trouva sensible, et encore, ne pouvait-il s'empêcher de déplorer qu'il n'eût point de cousine du même nom. Le mariage du marquis lui avait fait pousser un soupir. Il était nécessaire, cependant, et en voyant les vertus de la marquise, il n'avait pu que l'approuver. Malgré cela, il craignait que la jeune femme ne fût pas en état de gouverner sa maison en l'absence du mari, et c'est pourquoi il avait demandé au vieux duc, avec tout le respect qui lui était dû, s'il ne serait pas utile de veiller un peu aux intérêts de monsieur le marquis. « Parbleu, avait répondu le vieux seigneur, c'est une excellente idée, et c'est toi que je charge de ce soin. » Robert ne n'avait pas tant demandé. Ses habitudes étaient à Paris. Cependant, soumis à l'obéissance passive, il partit aussitôt et se rendit à Morez, qui devait être désormais son unique séjour. De pareils dévouements ne se voient plus. Il est vrai que nous avons autre chose en compensation. Robert n'était pas vieux, quoiqu'il n'eût pas l'air jeune. Mais il était de ceux qui ne changent guère et dont le visage n'a point d'âge. Il avait à peine 40 ans. C'était un homme prudent, mais non côteleux. Zélé sans obséquiosité, dévoué sans emphase. Il marchait lentement mais sans s'arrêter, ne parlait qu'à coup sûr et n'ouvrait point la bouche sans nécessité. Âme droite, mais jugement étroit, bon sans générosité et sévère sans rudesse, tel était l'homme que le duc chargeait de veiller sur la maison de Morez. Certes, jamais trésor ne fut mieux gardé. La marquise ne s'aperçut pas d'abord de l'énorme influence que Robert devait prendre sur toute la maison. Cet homme tranquille, qui parlait peu, ne faisait pas de bruit et ne se montrait guère, lui paraissait sans importance. Mais au bout de quelques mois, elle s'aperçut que tout autour d'elle prenait une régularité à laquelle elle n'était pas accoutumée. Les repas, le service, les écuries, la cave et les communs avaient revêtu une belle ordonnance. On entendait moins de bruit, il se faisait plus de besogne. La marquise fut si contente de ce changement qu'elle en marqua sa satisfaction à M. Robert, comme l'appelaient les domestiques, un peu par raillerie et beaucoup par crainte. Le serviteur s'inclina en silence. Il ne prit point le compliment pour lui, car c'eût été dire à madame qu'auparavant tout marchait mal dans la maison, mais il ne put s'empêcher d'en être flatté secrètement. 2 années s'écoulèrent dans leur régularité monotone. René grandissait. Déjà, il faisait grand tapage avec son tambour et ses armes. Il brisait impitoyablement les jouets de sa sœur et montrait le plus joli caractère d'enfant gâté lorsqu'un événement extraordinaire arriva à Toinon, sa bonne. Un jour que celle-ci, assise sur le gazon et cousant pour ne point s'ennuyer, surveillait les jeux des enfants, M. Robert vint à elle et la salua, ce qui la surprit, car d'ordinaire il ne se découvrait point devant ses pareils. « Mademoiselle, voici bientôt 2 ans que je vous observe et j'ai remarqué une chose qui m'a fort touché. » Toinon, étonné, le regardait sans comprendre. Il reprit. « Vous témoignez aux enfants de monsieur le marquis un attachement très grand, et je suis heureux de vous en faire mon compliment. »« Eh mon Dieu !» reprit bonnement Toinon. « Quoi de plus naturel que de les aimer, ces chérubins? Ne sont-ils pas tout le portrait de leurs chers parents que Dieu conserve ?» Ils ressemblent en effet tous deux à leur père, répliqua Robert. Et à leur chère maman, s'écria Toinon. Voyez si monseigneur René n'est pas le portrait vivant de sa mère, depuis qu'il porte les longues boucles flottantes. Tel n'était point l'avis de Robert, mais vu la circonstance exceptionnelle, il ne répliqua point. Alors, dit-il, vous êtes fort attaché à nos maîtres. Si madame m'ordonnait de sauter dans le feu pour elle, s'écria Toinon, j'y sauterai à l'instant, sans demander pourquoi. Sa jolie figure honnête rayonnait d'enthousiasme. Robert sourit. « Eh bien, mademoiselle, si vous voulez m'accorder votre main, dit-il, je crois que la maison de Morez fera en nous souche de serviteurs fidèles. »« Toinon, ébahi, le regardait. Elle courut soudain après la petite Lucille qui, chancelante sur ses pieds mignons, s'en allait du côté du bassin, puis elle revint, portant dans ses bras l'enfant, qui se débattait un peu pour le principe de la non-obéissance. « Vous avez dit, monsieur Robert ?» fit Toinon quand elle revint, rouge et essoufflée d'avoir couru avec son fardeau. Robert réitéra sa demande. Toinon, rouge de honte cette fois et toute confuse, se baissa sur l'enfant dont elle baisa les joues roses et la mit à terre. « Je ne sais pas, monsieur Robert, » fit la jeune fille fort embarrassée. « Il faudra que j'en parle à madame. »« C'est bien ainsi que je l'entends, » répondit gravement Robert. Il lui fit un salut de cérémonie et s'en alla du côté du château. Toinon était resté perplexe. Cette demande avait fort sujet de l'étonner, car Robert ne lui avait pas adressé 10 fois la parole depuis 2 ans. Elle ne pouvait se douter qu'il l'épousait à cause de son attachement à ses maîtres, attachement qui, dans l'esprit du digne homme, constituait la plus haute somme de vertus humaines. Quand l'heure de rentrer fut venue, toujours rêveuse et préoccupée, elle ramena au château les enfants indociles, et le soir, lorsqu'à l'heure ordinaire elle vint assister au coucher de la marquise pour lui rendre compte de la journée des enfants, elle lui raconta la singulière proposition qu'elle avait reçue. La marquise n'en fut pas moins surprise, car Robert n'avait rien d'un poursuivant d'amour, comme elle le dit en plaisantant, mais la chose paraissait sérieuse. « Pourquoi pas ?» fit Gabrielle après avoir réfléchi. « Il est beaucoup plus âgé que toi, c'est vrai, mais il doit avoir quelques biens. D'ailleurs, c'est un homme rangé, il nous est fidèle et il sera peut-être constant. » Ici, par un triste retour sur elle-même, la jeune femme soupira. « Tu resteras près de moi. S'il te convient, ma fille, épouse-le. » Toinon n'était pas indifférente à l'amour-propre. Être appelée Madame Robert par la domesticité du château, c'était quelque chose. D'ailleurs, Robert, sans avoir de position bien définie, était plus qu'un domestique. Il ne buvait ni ne jurait, ce qui était encore un mérite aux yeux de l'honnête fille, affiné par son contact journalier avec sa maîtresse, dont elle était presque l'amie, en toute humilité. Elle se décida donc à accepter la main de Monsieur Robert, et la noce eut lieu sans perdre de temps. Une autre fille la releva de son service nocturne auprès des enfants. Elle continua à veiller sur eux le jour, et bientôt, à l'office, on l'appela Madame Robert. Chapitre 14e. Les mois et les années s'étaient écoulés sans rien changer à la vie qu'on menait au château de Morez. Les enfants grandissaient en liberté, sans poudre et sans panier. Madame de Rougis, installée à demeure auprès de Gabriel, avait un peu vieilli, mais son cœur était toujours jeune. Plus que jamais, elle aimait à rappeler les tendres souvenirs de sa vie. Gabriel l'écoutait toujours avec quelque étonnement, mais sans cette sorte d'effroi qui l'agitait jadis quand sonnait l'heure de ses confidences. C'était le soir, à la nuit tombante, en hiver auprès du feu, en été sur le perron de l'escalier qui menait au parc, que les deux femmes causaient à demi-voix. Les enfants jouaient sur le sable, à leurs pieds, hors de la portée de la voix, ou s'amusaient paisiblement dans la pièce voisine. Nul n'écoutait, et Madame de Rougis, abritée derrière son éventail, racontait comment les premiers feux de la passion s'étaient allumés dans son cœur. « Dieu, ma chère, » disait-elle pour la 1000e fois, évoquant des images lointaines, « que mon pauvre mari était beau le premier jour que je le vis. » Gabriel pensait à l'apparition radieuse qu'il avait éblouie sous le porche de Saint-Germain-l'Auxerrois. « Quel délice que ces premiers jours de notre mariage !» continuait la sensible Madame de Rougis. « Que nous fûmes heureux. Il me répétait tout le jour que j'étais divine, et ma foi, j'ai lieu de croire qu'il le pensait. » Pendant qu'elle se rengorgeait avec un amour-propre rétrospectif au souvenir de ses louanges, Gabriel songeait au boudoir bleu, à sa chambre nuptiale, à toute cette poésie de la vie si vite évanouie pour elle. « Et quel déchirement lorsque l'infidèle me quitta. Dans mon désespoir, je voulais mettre fin à mes jours. Ce furent des lamentations à fendre le cœur. C'est ma mère qui me consola. » « Moi, pensait la marquise, je n'avais pas de mère. Elle me dit que tous les hommes étaient volages, et que s'il fallait nous arracher les cheveux pour une infidélité, les plus belles seraient bientôt chauves. » Madame de Rougis riait, mais Gabriel ne riait pas, et se demandait pourquoi les hommes avaient ce droit, reconnu, sanctionné par l'usage, d'être volages, comme le disait sa parente. « J'avais 22 ans, ma toute belle, continuait la causeuse infatigable, 22 ans seulement quand mon époux m'abandonna. « Et moi, se disait Gabriel, j'en avais 18. » Par bonheur, je n'avais pas d'enfant, de sorte que les distractions mondaines m'arrachèrent à mon désespoir, qui avait fait craindre pour mes jours. Par bonheur, pensa la jeune femme, j'avais des enfants, et c'est l'amour que je leur portais qui m'a préservé du désespoir. Tandis que Madame de Rogis défilait le chapelet de ses aventures de cœur, Gabriel, qui le connaissait de longue date, poursuivait le cours de ses pensées. Oui, certes, elle avait trouvé une grande consolation dans ses enfants, mais leur père n'était-il pas mille fois plus coupable encore, en abandonnant ainsi ses chers petits qui ne le connaissaient que de nom? La campagne finie, le marquis en avait recommencé une seconde. Il aimait le métier des armes, et il avait raison. Il convenait qu'un Moret se battît pour l'honneur de son pays, ou même pour d'autres intérêts. Les hasards de la guerre l'avaient protégé jusque-là. Gabriel en bénissait le ciel. Mais à présent, pourquoi le marquis ne revenait-il pas dans ses foyers? La vie de garnison avait-elle tant de charme qu'il ne put s'y soustraire? Ou bien, si l'honneur de son nom exigeait qu'il restât encore sous les drapeaux, ne pouvait-il s'échapper pour quelques semaines afin de venir embrasser sa femme et ses enfants? Moi, pensait la marquise, passe encore. Je n'avais évidemment d'autre destinée en ce monde que de donner des héritiers à Morez. Mais eux, les innocents, pourquoi ne se fait-il pas connaître, ne se fait-il pas chérir? Qu'il l'aimerait, les chers petits, et qu'il est facile de l'aimer. Les pensées de Gabriel retombaient sur son cœur comme des larmes, pendant que Madame de Rogis continuait ses éternelles confidences. Le chevalier, disait-elle, était loin de valoir mon mari. Mais que voulez-vous, ma petite? Faute de grive, on mange des merles, ajouta-t-elle sous l'éventail, avec un petit rire contenu qui fit rougir Gabriel. Dieu merci, si fort raison qu'elle eût de se plaindre de son mari, elle n'en était point arrivée à chercher des merles ou même des grives. S'il m'écrivait, au moins, pensait-elle, car son esprit était sans cesse tourné vers l'absent. Mais ces lettres qu'il m'envoie tous les 3 mois, sont-ce là des lettres d'époux? Il en écrit 100 fois plus long à Robert. C'est que Robert était devenu le majordome, l'intendant, le factotum de la maison. Dans ses mains honnêtes et habiles, tout prospérait. L'ordre le plus parfait régnait au château, dans les terres, dans les fermes, dans toutes les dépenses et dans tous les revenus. Les serviteurs infidèles avaient été renvoyés, les causes de débours inutiles avaient disparu, sans toutefois rien noter de ce qui faisait la splendeur de Morez. Cet intendant qui ne volait pas doublait la fortune de son maître. À 2 ou 3 reprises, Gabriel, s'apercevant de ce que valait cet homme, lui avait demandé ce qui pourrait lui être agréable afin de le récompenser. « Rien, madame la marquise, rien que de contribuer pour ma faible part à la grandeur et à la prospérité de Morez. » Cet homme probe et silencieux ne témoignait de tendresse qu'à 2 personnes, à sa femme Toinon parfois, au jeune comte René toujours. Pour celui-ci, il négligeait tout jusqu'à ses devoirs, et quand René, despote comme tout enfant de grande famille, lui disait « Allons, Robert, fais le cheval !» Robert se laissait atteler sans mot dire et galoper autour de la pelouse. La nuit suivante, il restait sur ses comptes jusqu'à l'aube, afin de réparer le temps non perdu, mais consacré à l'amusement de son jeune seigneur. « J'ai parfois peur de cet homme, » dit un jour Gabriel à sa parente, qui parcourait avec complaisance tous les sentiers d'une de ses vieilles histoires de cœur. « De qui? Du baron? Oh, il n'était pas effrayant. »« Ce n'est pas du baron que je vous parle, ni du chevalier non plus, » fit la marquise avec impatience. « C'est de Robert. »« Robert, votre intendant? Il ne m'a point paru effroyable. Comment a-t-il fait? »« Ce n'est pas de son extérieur que je vous parle, c'est de son influence ici. Par moments, il me semble que je ne suis plus rien, et que c'est tout au plus s'il me souffre dans cette maison. »« S'il vous manque de respect, ma chère, congédiez-le, » conclut Madame de Rogis avec aisance. « Non, » murmura Gabriel pensive, « il ne m'a jamais manqué de respect, loin de là. Je n'ai qu'à me louer de lui. »« Eh bien alors, que vous faut-il? Vous avez l'esprit prompt à vous forger des chimères, ma toute belle ?» dit Madame de Rogis en s'éventant. Gabriel n'avait rien à répondre, aussi garda-t-elle le silence. Chapitre 15e. Il y avait 5 ans que le marquis était absent lorsque la physionomie de sa demeure, si paisible d'ordinaire, fut bouleversé par un événement que tout le monde, excepté Gabriel, avait prévu. Un beau jour de mai, le vieux duc arriva en carrosse avec son escorte habituelle de laquais. Gabriel, prévenu de son arrivée par un courrier, se hâta d'aller le recevoir au bas du grand degré, afin de lui faire honneur. Sa surprise était grande, car le duc, fort âgé et encore plus infirme, ne se dérangeait pas sans nécessité. D'abord, elle crut qu'il venait lui annoncer quelque malheur, et sa première pensée fut pour son mari, mais la figure renfrognée de son beau-père exprimait autant de bonne grâce que le permettait la nature, et d'ailleurs, on n'annonce point un deuil en habit cramoisi. Après les compliments d'usage, quand le duc eut pris quelques rafraîchissements, il s'adressa à Gabrielle avec beaucoup d'amabilité. « Ma chère belle-fille, je suis porteur d'une nouvelle que vous recevrez, j'en suis sûr, comme vous avez fait jusqu'ici de toute décision émanant de votre époux. » À cette phrase, la marquise sentit le cœur lui manquer. Qu'allait-on exiger d'elle? Incapable de se le figurer, elle attendit ce qui allait suivre. « Et d'abord, ma chère Bru, reprit le duc, veuillez me faire voir mes petits-enfants, on en dit des merveilles. » Gabrielle donna ses ordres. Aussitôt les enfants entrèrent dans la salle, guidés par Toinon. Un coup d'œil jeté sur celle-ci avertit la jeune femme qu'elle était menacée d'un malheur, car le visage de la fidèle suivante était pâle comme le marbre. Les deux petits s'avancèrent vers le fauteuil, baisèrent la main de leur grand-père avec une grâce parfaite et une révérence irréprochable, puis restèrent les yeux fixés sur leur mère attendant ses ordres. « Ils sont fort bien élevés, fort bien, » approuva le duc. « Vous avez eu grand soin de leur éducation et je vois que mon fils a sagement agi en les remettant à votre garde jusqu'ici. Mais le jour est venu où ils doivent recevoir une éducation proportionnée à leur rang. Vous savez, » ajouta-t-il en souriant aussi agréablement qu'il le put, « vous savez qu'à 7 ans, le dauphin de France passe dans les mains des hommes. Vous trouverez bon qu'il en soit de même avec votre fils ?»« Vous voulez lui donner un précepteur ?» balbutia Gabriel, essayant de ne pas comprendre. « J'ai pris à mon service un précepteur qui fera son éducation sous mes yeux, à Paris, dans l'hôtel de Morez. Inutile, ajouta-t-il, avec la plus grande politesse, de vous dire que vos visites seront toujours les bienvenues. » D'un geste presque sauvage, Gabriel avait saisi son fils dans ses bras comme pour le défendre, et l'enfant, effrayé, regardait le vieux seigneur avec des yeux furieux. « Vous voulez m'enlever mon fils ? » s'écria-t-elle. « Je ne veux pas. » Le duc sourit avec bonté, puis reprenant un air grave. « Ce sont des enfantillages peu dignes de votre rang, » dit-il. « D'ailleurs, tel est l'ordre formel de mon fils. » Le grand-père présenta une lettre ouverte à Gabriel, qui la lut avec avidité. « Comment ? » s'écria-t-elle. « Ma fille aussi ? C'est horrible, mais quelle barbarie ! » !»« Votre fils sera élevé au couvent de la Visitation, comme vous l'avez été vous-même, ma Bru, » repartit le duc d'un ton sec. « Il n'y a là-dedans rien d'horrible ni de barbare. » « Mais, » balbutia Gabriel en larmes, « ma fille est si jeune, elle a 5 ans à peine. » « Nous aurions pu attendre, certainement, » répliqua l'impitoyable grand-père, « mais nous avons réfléchi. Cela vous causerait 2 fois, au lieu d'une, la douleur de la séparation. Mieux vaut en finir d'une fois. » La pauvre femme ne savait pas ce que c'est que la résistance. Jadis, elle avait eu le courage inouï d'enlever son fils à la nourrice. Mais alors elle était dans son droit. La nourrice la trompait, et d'ailleurs c'était une subalterne, une domestique. Mais ici, résister à son beau-père, à son mari, résister comment? Que pouvait-elle faire? Pendant son sommeil, on lui prendrait ses enfants. Elle les serra tous les deux dans ses bras, en laissant tomber sur eux des larmes amères, et les enfants se mirent à pleurer avec elle. « Ayez pitié, monsieur, » dit-elle, « voyez comme ils sont petits. N'est-il pas impossible de les priver déjà de mes soins et de ma tendresse? Ils m'aiment. Ils sont accoutumés à mes caresses. Que vont-ils devenir avec des étrangers? Si ce n'est pas pour moi, monsieur, que ce soit pour eux, ne soyez pas insensible. » Le duc se moucha, prit une prise de tabac d'Espagne, secoua son jabot et dit, « C'est l'ordre de mon fils. »« C'est bien, monsieur, » répliqua Gabriel, dont les traits s'étaient creusés tout à coup. « C'est un ordre, je m'y soumets. Fasse le ciel qu'un jour vous ne soyez pas puni dans votre orgueil, de ce que votre orgueil me fait souffrir aujourd'hui. » Elle sortit, tenant ses enfants par la main, et les emmena dans sa chambre à coucher. Quand elle fut seule, son courage l'abandonna, et elle pleura longtemps sur eux et avec eux. Quand les enfants, fatigués de ses émotions, se furent endormis dans ses bras, elle les commit à la garde de Toinon et redescendit près de son beau-père qui causait paisiblement avec Madame de Rogis. « Quand voulez-vous les emmener ? » dit-elle. « Demain, si c'est possible. »« Demain, soit, » fit-elle. Elle n'allait pas s'humilier jusqu'à marchander pour un jour. Le lendemain, le duc emmena dans son carrosse son petit-fils qui se débattait comme un beau diable, et la marquise, accompagnée de Toinon, conduisit elle-même sa fille aux visitandines.